L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Dimanche 7 septembre, direction la plage de la Méchelle à Nancy pour la course contre le cancer. C'est organisé par Tireux par Thème. Et on en parle tout de suite avec Alexis et Paul. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Alexis qui est président. Ouais, c'est bien ça. Et Paul, vice-président. Tout à fait. Tireux par Thème, déjà on peut peut-être en reparler un petit peu depuis quand ça existe et c'est quoi l'objectif? Ouais, alors Tireux par Thème, c'est une antenne en fait d'une fédération nationale, donc qui existe depuis près d'une quinzaine d'années en fait. Et nous, notre antenne, elle existe depuis 2021. L'émission première, généralement, c'est intervenir, réaliser des visites auprès donc de l'hôpital de Nancy, le CHRU de Brabois, faire des visites auprès des adolescents et jeunes adultes atteints du cancer, et puis aussi récolter des fonds pour organiser leurs projets. Et organiser des projets qui vont avoir pour vocation de militer, de sensibiliser, de prévenir le cancer. Et vous deux, dans cet engagement, vous la connaissez depuis quand cette association et pourquoi, Alexis? Quand on est arrivé dans notre école, donc les Mines de Nancy, on nous a présenté plein d'associations et bah, il y avait quelques associations humanitaires et c'est vrai que ça donne tout de suite une noble vision en fait de la chose. Et franchement, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que voilà, la course contre le cancer par exemple, on en parlera un petit peu juste après. Bien sûr. Mais voilà, c'est un événement qui est super important pour la recherche contre le cancer. Mmh. Tout simplement parce que tous les fonds, ils sont reversés à la Rémig. La Rémig, c'est une association qui est basée au CHRU Brabois. Qui gère notamment une maison des parents. Voilà, c'est ça, qui accueille les parents d'enfants hospitalisés au CHRU Brabois, donc souvent de leucémie ou de maladies plutôt graves. Et en plus de ça, ils luttent contre les cancers pédiatriques via la recherche. Voilà, c'est septembre en or, hein, d'ailleurs, tous les ans maintenant, c'est ce mois qui est consacré à cette lutte contre le cancer, notamment chez les plus jeunes. Alors, cette course, elle a été débutée quand et comment est venue l'idée? Alors, il y a déjà eu des éditions précédentes. La première édition a eu lieu l'année dernière par l'équipe précédente. Et puis, bah, naturellement, on s'est dit qu'il fallait la refaire puisque ça avait beaucoup plu l'année dernière. Ça a été apparemment vivement apprécié, donc on s'est dit qu'on allait refaire l'édition. Et cette année, pour le coup, la préparation, on a fait notre mieux pour refaire cette course à la plage de la Méchelle, à Nancy, le dimanche 7 septembre. Le dimanche 7 septembre, donc la deuxième édition de cette course contre le cancer. Alors dites-nous d'où, qu'est-ce qui va se passer? Ça commence à partir de quelle heure? Et vous allez nous faire courir longtemps ou est-ce que ça va être plutôt adapté à chacun? Alors, le début de la course, le départ de la course, c'est 11h. Mais on peut récupérer ses dossards dès 10h, avec un petit échauffement collectif et convivial dès 10h40. Et donc, pour le parcours, on a voulu penser à tout le monde. Bah ouais, pas qu'aux grands coureurs, parce que sinon on aura un peu moins de monde, forcément. Ouais. Donc, on a un premier parcours de 3,5 km, un deuxième de 7 et un troisième de 10,5. En fait, c'est une, deux ou trois boucles le long des rives de la Meurthe. Voilà, donc c'est super sympa, c'est un événement à la fois caritatif, mais tout aussi convivial. Et je me dis que si on veut marcher, on a le droit de marcher aussi. Mais bien sûr. L'essentiel, c'est de donner de l'argent. Exactement. Pour la recherche. Si vous voulez promener votre chien, venez. Et donc les fonds iront donc à l'association La Rémig que vous avez dit, ouais, hein, c'est ça exact. Et sur place, il y aura d'autres choses, je crois qu'il y aura des stands, il y a une autre association aussi qui participe, Jeune et Rose, dites-nous tout. Alors pour le coup, oui, on a prévu des activités sur place, que ce soit des activités diverses, on a prévu donc du molki par exemple, on a prévu diverses activités à la plage de la Méchelle. Et puis bah évidemment, on a essayé de penser au fait qu'on puisse manger sur place. Puis si jamais vous voulez tout simplement passer, nous faire un coucou, encourager les coureurs, n'hésitez pas. Vous êtes évidemment les bienvenus pour essayer d'encourager tous les coureurs. Voilà, et en plus de ça, il y aura des stands de trois associations, donc à savoir Jeune et Rose, il y a aussi l'assurance maladie, et évidemment la Rémig qui sera là. L'assurance maladie qui sera là pour faire de la prévention sur les dépistages de différents cancers, notamment du col de l'utérus et du papillomavirus. Voilà, voilà. Et pour participer, comment on fait pour s'inscrire aujourd'hui? Bah pour s'inscrire, c'est super simple. Si vous avez à disposition le flyer ou la petite affiche que vous voyez parfois, il y a un petit QR code. Et puis si vous n'avez pas à disposition cela, vous tapez « Course contre le cancer 2025 Nancy » sur Google. C'est le premier lien LOSO. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre Instagram, @cheerup-artel. Et Alexis et Paul, quand on est organisateur, on a le temps de faire la boucle au moins une fois? Malheureusement, c'est un peu compliqué, mais on l'a fait à l'édition précédente, donc voilà. Je vous laisse le dernier argument pour donner envie aux auditeurs, jeunes, moins jeunes, coureurs, pas coureurs, de venir le dimanche 7 septembre. Faites-le bien pour vous et pour les autres. Merci beaucoup, non, merci c'était beaucoup. Très sympa de nous inviter et hâte de revenir. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.